Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment trouver des modèles inspirants. Fadjet, les ondes positives. Autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire. C'est ainsi que Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, résume notre rapport à l'autre. Ainsi, cet autre peut devenir pour nous un exemple à suivre, un modèle sur lequel se baser, une image sur laquelle se calquer. Pourquoi avons-nous cette inclinaison naturelle à s'inspirer de nos congénères? Comment les choisissons-nous? Et que cela nous apporte-t-il? Et jusqu'où peut-on aller? Ainsi, cet autre peut devenir pour nous un exemple à suivre, un modèle sur lequel se baser, une image sur laquelle se calquer. Pourquoi avons-nous cette inclinaison naturelle à s'inspirer de nos congénères? Comment les choisissons-nous? Que cela nous apporte-t-il? Et jusqu'où peut aller cette admiration si elle n'est pas bornée par la raison? Eh bien, peut-être que c'est dans la construction de notre identité qu'il faut aller chercher des réponses à nos interrogations. Dès notre enfance, nous observons ceux qui nous entourent et inconsciemment construisons une image de ce qu'il faut être et de ce qu'il ne faut pas être. Un peu plus tard, à l'adolescence, on retrouve parfois ce phénomène amplifié avec l'apparition d'idoles célèbres que l'on vient admirer. Le mot idole trouve d'ailleurs son origine dans le grec ancien, eidolon, qui signifie image, forme, spectre. L'idole est donc une simple représentation de l'objet de notre adoration. Un arrêt sur image figé dans le temps et dans une perfection somme toute inatteignable. Rappelons que le terme idole dans l'histoire fait d'abord référence à une représentation de divinité plutôt que d'être humain. Mais lorsqu'il s'agit d'un mentor, la relation peut devenir porteuse et source d'inspiration, comme cela fut le cas pour Télémaque, fils du roi Ulysse d'Ithaque, qui eut pour précepteur un certain mentor dont découle aujourd'hui le nom commun. Les ondes positives sur Fadjet. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un célèbre écrivain américain du début du XXe siècle qui nous aura laissé des chefs-d'œuvre comme Les raisins de la colère ou encore Des souris et des hommes. Cette voix, c'est celle de John Steinbeck, qui nous parle dans son ouvrage sobrement intitulé À l'Est d'Éden, de notre rapport aux idoles. Lorsqu'un enfant, pour la première fois, voit les adultes tels qu'ils sont, lorsque pour la première fois, l'idée pénètre dans sa tête que les adultes n'ont pas une intelligence divine, que leurs jugements ne sont pas toujours justes, leurs idées bonnes, leurs phrases correctes, son monde s'écroule et laisse place à un chaos terrifiant. Et lorsqu'une idole tombe, ce n'est pas à moitié, elle s'écrase et se brise ou s'enfuit dans un lit de fumier. Il est difficile alors de la redresser et, même réinstallée sur son socle, des taches ineffaçables dénoncent la chute passée. Alors, comment fonctionne notre cerveau lorsqu'il recherche un modèle? Dès notre naissance et nos premiers apprentissages de la vie, l'imitation joue un rôle prépondérant dans notre évolution. Cette imitation s'opère via un mécanisme miroir qui s'active lorsque nous réalisons des actions et lorsque nous voyons d'autres en réaliser. Il permet notamment de comprendre de manière quasi instantanée ce que les autres font, où vont faire et pourquoi ils le font. Une forme de communication intuitive et non verbale qui nous relie aux autres et nous prouve à quel point les liens qui nous unissent sont profondément enracinés. Le mimétisme s'amplifie avec l'âge et se transforme en imitation objective, dans laquelle nous allons réaliser une modification inconsciente de nous-mêmes, basée sur l'image d'un modèle ancré dans notre mémoire. Gardons alors à l'esprit le précieux conseil de Joseph Joubert : les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur les meilleurs modèles à suivre. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction l'Arabie, au 7e siècle de notre ère, pour écouter les ultimes conseils d'un grand maître soufi. Le grand mystique soufi Hassan est sur son lit de mort. Entouré de ses proches et d'un grand nombre de ses disciples, il prodigue ses dernières paroles sages. Quelqu'un alors lui demande qui a été son maître dans l'existence. Hassan alors répond : J'ai eu tellement de maîtres qu'il me faudrait des années pour tous les citer. Je ne vous parlerai que de trois d'entre eux. Le premier était un voleur. Alors qu'un soir, m'étant perdu dans le désert, j'arrivais dans un village, je vis un homme en train de percer la porte d'une maison. Je lui demandai s'il pouvait m'indiquer un endroit où dormir. Il me répondit alors que je ne trouverais rien à cette heure, mais que si je le souhaitais, je pouvais m'installer chez lui. C'est ce que je fis. Et chaque nuit, le voleur partait travailler. Et à son retour, je lui demandais si tout s'était bien passé. Il me répondait à chaque fois « Cette nuit, je n'ai rien trouvé. Demain, peut-être, si Dieu le veut. » Jamais je ne l'ai vu se décourager. Il était toujours content. Lorsque plus tard, j'étais au bord du désespoir et prêt à tout abandonner, je me rappelais au dernier moment de ces paroles qu'il prononçait en rentrant chez lui, après une nuit infructueuse. « Demain, je réussirai, si Dieu le veut. » Le deuxième maître dont je vais vous parler était un chien. En m'approchant d'une rivière pour me désaltérer, je le vis, tout aussi assoiffé que je l'étais. Il se pencha sur l'eau et fut effrayé par son reflet. Il aboya et recula. Mais il avait tellement soif qu'il revint. Malgré ses craintes, il finit par sauter dans l'eau. L'image redoutable disparut immédiatement. Je compris le message qu'on m'envoyait. Saute en dépit de ta peur. Le troisième maître était un petit garçon qui se rendait à la mosquée, une bougie allumée à la main. J'eus envie de l'instruire et lui demandai s'il pouvait m'expliquer la source de cette lumière. Le petit garçon souffla sur la bougie et se mit à rire. Il me dit alors « Vous avez vu la flamme s'éteindre. Où est partie la lumière, selon vous ?» Mon ego eut le bec cloué. Toute mon érudition s'écroula. Je compris soudain ma propre stupidité et renonçai à prétendre savoir quelque chose. En vérité, je n'ai pas eu un maître prédéterminé. Cela ne signifie pas que je fus un disciple. J'ai accepté l'existence tout entière comme maître. Et cet abandon a été mon engagement le plus profond. J'ai fait confiance aux nuages, aux arbres. J'ai dit oui à la vie en tant que telle. Je n'ai pas eu un maître, j'en ai eu des milliers. Tout et n'importe quoi qui m'a procuré un enseignement. N'est-ce pas Christian Bobin qui disait « Un maître, c'est un être qui fait beaucoup d'erreurs » et lorsqu'il s'en aperçoit, sourit. Les grands maîtres ne savent pas qu'ils sont grands, ni qu'ils sont maîtres. Ainsi, s'il existe bien à travers l'humanité des êtres dignes de se porter en figure de modèle, il faut se garder de suivre les plus vaniteux et les plus avides de pouvoir d'entre eux. En témoignent certaines pages les plus sombres de l'histoire du monde. Laissons enfin la parole à André Comte Sponville pour achever cette définition du maître. Le maître est celui qui enseigne, guide ou commande. Les trois à la fois ? Pas nécessairement. Cela dépend en partie de lui, de ce qu'il sait ou peut, mais aussi de ceux dont il est le maître. Sont-ce des élèves, des disciples ou des esclaves ? Allez, petit exercice. Choisissons-nous un modèle. Quelqu'un qui pour nous incarne une ou plusieurs qualités que nous souhaiterions développer chez nous. Car gardons en mémoire que si nous sommes capables de reconnaître en l'autre une qualité, c'est qu'elle existe quelque part en nous. L'autre est un miroir et vient seulement mettre en lumière le reflet de ce que nous sommes ou de ce que nous pourrions être. Pensons à cette personne, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, les décisions qu'elle prend, ce que nous aimons chez elle. Observons comment cette personne met en œuvre cette qualité. Imaginons maintenant une situation dans laquelle nous souhaiterions développer cette même qualité. Et maintenant, visualisons la scène comme s'il s'agissait de cette personne qui jouait notre rôle et agissait à notre place. Voyons de quelle manière elle s'y prend pour parvenir à ce que nous souhaitons. Puis petit à petit, transposons-nous à sa place dans cette scène en reproduisant le même comportement et profitons du moment. Voilà, maintenant que nous avons des modèles inspirants à suivre, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il apprendre à pardonner. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives. We'll be right back.